Les masses médias de divers pays ont traité la nouvelle de l'inspection des exercices de bombardement intensif des troupes d'artillerie au front de l'armée populaire de Corée par le maréchal Kim Jong-un. Ce sont les agences de presse TASS et Interfax, le journal Komsomolskaya Pravda, la télévision Zvezda, les agences de presse d'Internet Gazeta.ru et Luskaya Planeta de Russie, l'agence de presse Chine Nouvelle, le journal Takongbao de Hong Kong, les réseaux Chine Nouvelle et Globe de Chine, la télévision presse et la radio Fars Today de l'Iran, le journal indien Rising Europe, l'agence de presse Gyodo et le journal Nihon Keizai Shimbun du Japon, l'agence de presse d'Internet NK News et le homepage d'Internet L'Edit des États-Unis, le journal français Le Monde, le journal britannique International Business Times, le homepage d'Internet du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des Inspections, le homepage d'Internet du groupe russe de solidarité avec la République populaire démocratique de Corée, les homepages d'Internet du Comité national nigérien d'études du kim-sunisme, kim-jong-ilisme et du Comité national d'études des aides du Tutsé du Congo démocratique.